Le premier mot est solidarité avec tous les migrants. Il n'y a pas d'étrangers sur cette terre. Bien sûr, on est avant tout en solidarité avec les migrants et les migrantes pour faire valoir leurs droits, pour les accueillir décemment, pour qu'ils aient un toit, un droit au travail. Mais on est aussi en solidarité de société. Il n'y a pas d'étrangers sur terre. Ça veut dire que nous sommes tous concernés. Oui, aujourd'hui, il y a lieu d'être en solidarité avec les plus démunis. Les plus démunis sont souvent les étrangers. Quand on demande un toit pour tous, on le demande pour les étrangers, mais aussi pour les Français. Papier, ceci n'est pas notre identité. Papier, pourquoi il en faut pour exister ? Papier. Chaque semaine, on voit une personne qui arrive et nous dit : je suis à la rue, je n'ai pas d'hébergement. Un ami est arrivé l'autre jour en réunion de bureau, il nous dit : j'étais logé dans un gymnase pendant la période hivernale, on vient de me dire la nuit de dimanche à lundi que c'était ma dernière nuit, le gymnase va fermer lundi. Il a rouvert à cause des températures qui ont beaucoup baissé. Mais il est question que ces gymnases referment. Et notre souci dans tous ces mouvements-là, c'est quid de la pérennité de l'hébergement ? Que vont devenir ces personnes ? C'est bien joli que pendant la période hivernale, personne ne meure. Et encore, à Grenoble-en-Isère, une personne est arrivée en très très grave hypothermie. Elle a failli mourir. On vient de me dire qu'un jeune se serait suicidé dernièrement en lien avec des problèmes de refus de titre de séjour, etc. Donc, ces questions-là, on ne veut pas qu'elles arrivent à des extrémités comme ça. Et si on donnait plus largement le droit au travail, si on donnait la régularisation de séjour à des personnes qui sont là depuis des années, si on ne leur refusait pas alors qu'elles l'ont eu précédemment, c'est tout ça qu'on voit en ce moment et qui est scandaleux.